on est là comme d'hab pour foutre le bordel. En soirée quand tu passes les sons c'est le bordel. J'oublie tout mon taf, soir ça je me débaffe. En bref je tire des balles pour mon staff. Le sky coule à feu pendant que tu glisses entre les mots. Te hisse entre les mots pendant que tu passes du calico. J'enlève mes mains des potes pour faire vibrer les poches. J'ai envie que tu t'accroches comme tu fais avec les mioches. Ring d'arrogance. Je suis un fat bro. Ring d'arrogance. C'est une maladie, ce son dans tes oreilles, au moins jusqu'au lundi. Ouais, on a le swag, on va se faire péter le crâne. On est trop bien sapé, costard et puis répare. Comme dit Calico, ce soir c'est le bordel. Désolé à ma gauche, j'en vais au 7ème ciel. Bougez, bougez, si t'as besoin d'elle. Bougez, bougez, c'est ça l'essentiel. Un gros joint de seum pour se mettre all dans l'ambiance. Farçons les soirées de merde en Amérique ou en France. Alors que tu sois ce soir, il faut que ça balance. Il faut que toutes les gobes, lui, toute ma délinquance. Bring the records.